Bonjour à tous, c'est Vincent Weigel pour un nouvel épisode de La Bonne Franquette. Aujourd'hui, et comme d'habitude, on se retrouve avec Quentin et Crepon. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à tous les deux on à cœur. On ne se présente pas aujourd'hui pour les gens qui rejoignent cette formidable équipe sur ce premier épisode. Bon, alors en fait, il m'a annoncé vraiment deux secondes avant le début de l'épisode que c'est moi qui allais être l'animateur de la soirée. Et clairement, comme je n'ai pas ce talent d'orateur... Mais si tu l'as en toi, il faut croire en tes forces naturelles et innées qui coulent dans tes veines. Bah, j'y crois pas une seconde. Et du coup, bah, j'ai carrément oublié le running gag qui était de se présenter avec un métier. Mais je te propose de le faire quand même, parce que j'adore ce running gag. Super, bah, donc... tu vas pouvoir commencer. Ah bon? Oui. Donc, mais non, d'habitude, je me sers des réponses des autres pour réfléchir. Je sais. Ben, je m'appelle Vincent Weigel et je suis nettoyeur de haut-parleurs. Je dis pas ça. Je dis pas ça parce qu'il y a un haut-parleur sur le bureau. Et que tu as juste placé un mot. Nettoyeur, suivi du premier objet dans ton champ de vision. Non, j'ai pas du tout dit ça pour ça. Si, clairement. Et donc, comme le nom de ce métier l'indique, je nettoie des haut-parleurs uniquement droitier. Désolé. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Quelle est la manie des gens qui se présentent et ils disent la droite ou la gauche. C'est quoi? Est-ce que c'est un podcast politisé ce qu'on fait? Je crois pas, non. On est là juste pour blaguer. Ah, parce que toi, t'es centriste alors. Non. D'accord, bah, je l'annonce. Quentin Crepon annonce qu'il est centriste. On va y avoir les gros titres maintenant. Voilà. Toute la presse mondiale va en parler. Merci beaucoup. Que du buzz.fr. Non, je... Déjà, ouais. t'as un blog, jedénonce.fr, qui marche d'enfer d'ailleurs. C'est vrai? Combien d'abonnés 3. Dont bah, moi, dont toi, ma mère et toi. Moi, je me suis pas abonné. Ah bah... Il y a peut-être un vrai fan. Un vrai fan. Bah, le vrai fan, contacte-moi. Tu n'as rien gagné, mais bah, contacte-moi quand même. Bah écoutez, moi, je suis nettoyeur de haut-parleurs, mais de gauche. Et ouais, parce qu'il faut de tout pour se faire un monde et on se complète. Mais c'est nul à chier comme inspiration, mon gars. Bah ok. Non, je déconne. Je suis très heureux de faire ce métier avec toi à tes côtés. Oui, il faut, parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'on a une entreprise tous les deux. Oui, voilà. Voilà, qui s'appelle d'ailleurs Nettoyage de haut-parleurs. C'est vraiment le pire début de podcast qu'on a jamais eu. Écoute, c'est le plus authentique. C'est vrai. Non, mais franchement, j'ai bien kiffé. On s'est bien marré. Eh bien, écoute, reste dans mon rôle d'invité. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un sujet aujourd'hui qui nous tient tous les deux très à cœur, étant donné que 2 minutes avant le podcast, Quentin voulait changer ce sujet. C'est faux, tu ne fais que mentir. Bah non. En fait, ton vrai métier, c'est dentiste, car tu mens comme un arracheur de dents. Oh! Bah je me sens à la fois clashé et à la fois j'approuve cette punchline. Ouais, le respect. Le respect. Et tu l'as mangé ou quoi? Ben, moi, je l'ai arraché de la bouche de quelqu'un. De qui? De quelqu'un, j'ai dit. Ok, très bien. C'est le secret professionnel. C'est vrai. Secret médical. T'as raison. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être les années 2000. 2000. Ok. Les années 2000. Les années 2000. 2000. Dans le micro. Superbe. Qu'est-ce que je raconte? Dans le micro, ouais. Et en sous-partie, ça va être un peu qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 2000, de quoi on se souvient par rapport à ça, comment on s'occupait dans ces années-là quand on était enfant et comment on imaginait le futur. Ça, c'est une bonne question. Ça. Ouais. Ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que la vie que je m'imaginais à l'époque est complètement différente. Déjà parce que t'as la désillusion de la vie d'adulte. Hein. Mais je rappelle, la vie, c'est de la merde. Hein. C'est pour tous les enfants qui nous écoutent, la vie, c'est de la merde. Mais il ne faut pas leur dire ça comme ça. Ah, le Père Noël n'existe pas. Et non. Et ouais, la petite souris est aussi un mensonge. Oh, là, et vos parents vont vous probablement divorcer. C'est horrible ce que tu dis. Exact. Mais c'est vrai. Bah, pas pour tout le monde. C'est vrai. Je rappelle que j'ai eu une enfance de sans problème. Blanc privilégié et sans problème. Et tes parents s'aiment non plus sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Exactement. Et mais ce que je voulais dire aussi, c'est comment on imaginait le futur. Enfin, comment on imaginait le futur pour nous ou le futur en général? L'un ne va pas sans l'autre, je pense. Puisque de toute façon, on ne se voyait pas autre part que dans le futur. C'est-à-dire... non, mais je veux dire, comment on imaginait notre métier et notre vie à nous, ou le futur dans sa globalité, à savoir des voitures volantes, Bah oui, c'est-à-dire plus globalement, je pense qu'en tant qu'enfant, enfin moi en tout cas, ce que j'ai fait, mais j'ai imaginé les deux. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut parler des deux. Alors. Ouais, parlons des deux. Pourquoi t'as envie parlons de parler des que deux, d'une seule non, chose mais... C'est toujours ça avec toi, on ne peut pas faire les choses complètement. Écoute, retourne nettoyer des haut-parleurs gauche. Ben non, c'est ce que t'as fait. C'est ce que t'as fait. Toi, tu nettoies des haut-parleurs droite, hein, parce que voilà, tu t'arrêtes, tu fais pas les choses complètement. Du coup, j'ai dû m'occuper des gauches. C'est ça. Non, c'est ça, pas ce ça. C'est pas ça. Tout le temps, on t'appelle double face. Non, c'est juste que je préfère être le meilleur dans un métier et m'exercer à fond pour devenir le meilleur nettoyeur. Le meilleur nettoyeur le de meilleur endroit. Voilà. Eh ben, excuse-moi, mais c'est un beau rêve de merde. Bah, je m'en vais. Et non, un host. L'host du podcast n'abandonne jamais son navire. Alors, tu vas revenir t'asseoir et continuer ce que tu es en train de faire. C'est bon, je suis de retour pour continuer ce bon podcast. Yes, dans la bonne humeur. Sur les chapeaux de roue. Ouais. Alors, donc Quentin. Oui, c'est moi. Mon tonton est en l'occurrence effectivement dentiste. Bah, c'est vrai. Tout comme toi, mais lui ment très peu contrairement à toi. Contrairement à toi. Et par contre, il parle très bien français. Et il a hérité, je pense que cette branche de la famille a hérité de ça. Et la mienne, non, pas du tout. Non, bah pourtant, tu m'as lâché une punchline qui m'a fait plaisir tout à l'heure. Mais bon, t'arrêtes pas de te dénigrer en tant qu'être humain, donc... C'est vrai, parce que la vie est une pute. Tu vois, tu continues... Mais non, c'est pas vrai. Alors, Quentin, revenons au sujet de ce podcast. En tant que bon animateur, je me dois de recadrer mes invités, qui sont aujourd'hui au nombre de... Hein, car plus personne ne veut venir. D'ailleurs, on a très peu d'amis aussi. Ouais, très peu d'amis. Ouais. Non, mais du coup, alors, quelle est ta question? Quelle est ma réponse? Nous le saurons après une page de publicité. C'est faux. Personne ne nous sponsorise. Déjà parce que personne ne nous écoute. Bah, on peut demander des sponsors par rapport à des marques de haut-parleurs. Oh, par exemple, Altec Landsberg. Ouais, peut-être. D'ailleurs, je sais même pas si on dit Altec. Mais bref, c'est pas du tout le contenu de ce podcast. Quelle était la question déjà? Les années 2000. Oui. Les années 2000. Ouais, alors. Par quoi on commence? C'est ça la vraie question. Bah, moi, j'avais envie de parler de ce qu'on faisait en étant enfant. Ouais. À savoir, moi, je me souviens que je jouais beaucoup aux jeux de société. C'est vrai. Avec. Pas ma famille directe, parce que mes parents. Celle des voisins. Exact, j'allais chez les voisins pour jouer au jeu de société. Oh non, c'est encore le fils du voisin. Ouais, exactement. Et non, en fait, je jouais plus avec mes cousins, cousines, etc. Parce que mes parents n'étaient pas du tout jeux de société. C'est vrai. Ouais, ils jouaient très peu avec. Bah, ton père. Ouais, c'est une tristesse. Lâcher comme ça, c'est une tristesse. Mais bon, ton père, il était souvent en déplacement et tout. Peut-être en tant qu'homme d'affaires, il a autre chose à penser. Mais oui, ta mère, voilà, c'est ça. Non, parce qu'elle était un peu foyer, non, c'est ça. Ouais, voilà. Mais si, ça arrivait quelques fois, mais pas souvent. Et souvent, c'était des jeux qui, pour les enfants, étaient peu intéressants. Le Scrabble. Trivial Pursuit. Le Rami. Trivial Pursuit, en plus, on avait un vieux Trivial Pursuit années 70. Où tu n'avais aucune réponse. Je n'avais aucune réponse. C'était quoi ce jeu-là? Mais j'ai enfanté un imbécile. En fait, on me posait des questions et je demandais à mes parents qui étaient à côté ce que c'était la réponse parce que je n'en avais aucune idée. Et eux avaient une réponse sur quatre à peu près parce que c'était des questions extrêmement pointues du genre... Qui a gagné la médaille au JO de 1978? Il n'y a pas eu JO en 1978. T'es sûr de ça? Non, c'est bah dit. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a eu vraiment? Oui, il y en a eu. Je vais regarder tout de suite. Bah, tu peux regarder. Moi, je parie qu'il y en a eu. Parce que c'est tous les. C'est à une certaine date. JO. Non, mais 1978, c'est sûr, il y en a eu. Il y en a eu plein, non. En plus. Non, non, non. Si. Aucun. T'es un menteur. Non, aucun. Bon, t'es peut-être pas un menteur, mais... Je vais vérifier, mais... Ça, c'est bien une phrase de... Réparateur de... Non, nettoyeur de... Tu connais même pas ton métier, usurpateur. Menteur, usurpateur, calomnieur. Oh non. Tout n'est que mensonge et calomnie. Et calomnie. Fumisterie. Fumisterie, exactement. Vaste fumisterie. Petit plug de mon cousin qui s'appelle comme ça sur Twitter. Force à toi... Mon petit cousin que j'affectionne énormément. Voilà. Et voilà, moi, je jouais beaucoup aux jeux de société avec mes cousins-cousines. Alors, tu vas me dire si tu jouais au même que moi. Ok. Là-dedans, il y avait le qui est-ce, oui, forcément. Mais encore maintenant. Oui, ça existe toujours. Mais après, je ne sais pas si c'est aussi connu. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Bonne question. Ouais. Je pense que ça a été remplacé notamment par les jeux tablettes. Technologie là. Ouais, quand je vois des enfants sur des écrans. Jusqu'à pas d'heure, ils sortent plus. Avant, ils sortaient dans la rue. Maintenant, ils sortent... Moi, j'avais un ballon, j'allais dehors. Et à Noël, j'avais une orange et un bout de bois. Hein, bon, j'étais content. Ouais. On s'est fait violer, mais. Il y a la thématique du viol et je dois le dire, trop récurrente dans ce podcast. D'accord. Écoute, tu n'es pas l'animateur, c'est moi qui ai choisi. D'accord. Donc, d'ailleurs, en parlant de qui est-ce, pour ceux qui sont à Paris, sachez qu'au Citadium, au dernier étage, pile en sortant à gauche devant la borne d'arcade, c'est extrêmement peu précis. C'est la description la plus précise que j'ai pu faire. Il y a une borne, il y a un plateau, pardon, de qui est-ce avec des stars. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais, un peu facile. On ouais, trouve en deux questions, ouais. mais c'est sympa. Drôle, ouais. C'est drôle. Ok, le qui est-ce ? Ouais, le qui est-ce, il y avait le Trivial Pursuit. Non, j'ai jamais... T'as jamais joué au Trivial Pursuit ? Car non, non, vraiment aucun moment. Bah pourtant c'était bien. Enfin en fait, j'ai joué une fois et je me suis dit mais c'est pas amusant, ça ce n'est pas un jeu ça. Ouais, exactement. Et attends. Alors qu'en vrai, si, c'est plutôt intéressant. Ça parle de culture générale. Tout non, en vrai, c'est cool. Mais faut mais avoir un peu grandi pour y jouer, je pense. Ouais, et puis je pense qu'il faut être avec des. Parce que comme le jeu n'est pas ultra excitant, je pense qu'il faut vraiment être avec une team un peu drôle. Ouais, un peu des conneurs, quoi. Ouais, des férus du mois. Des accros de la blague. Ah, vraiment. C'est, exactement. Enfin. Des aficionados. Bah. Too much là, je suis allé vraiment trop loin et je me ouais, suis clairement. Planté. Yes. Moi j'en cherchais mais j'en ai pas trouvé donc bien joué d'avoir quand même essayé de continuer avec ouais. Ces paraphrases. Bah, je suis un peu fan de synonymes. C'est vrai ? Non. Ah. Si, j'adore en fait. Bon, c'est trop bien les synonymes. D'ailleurs, la langue française, le vocabulaire, apprenez des mots, c'est important. D'ailleurs, le mot escargot, on peut parler, incroyable. Escalier aussi. Je trouve que le mot escalier en lui-même, il représente l'escalier. Il sonne comme un escalier. Comme un moustique, tu vois. Moustique. Franchement, c'est un moustique, tu vois. Ouais. Un frigo. Non, bon, ça, non. Bah, est-ce que tu une peux... Voiture. Toi qui es un expert en synonyme, mais un expert de la langue française... Vas-y, mets-moi au défi. Trouve-moi un synonyme de boisson en moins de 3 secondes. Breuvage. Bien joué. Bravo. Yes. Enchanté. Je suis nettoyeur de haut-parleur gauche. Et... Expert en synonyme. Expert en synonyme. Bravo, bien joué pour ce beau CV. Merci, on peut m'applaudir. Bah, j'applaudis, moi. Des gens comme ça, passionnés et travailleurs, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est la recette du succès. Et sinon, en jeu de société... Docteur Maboul. Docteur Maboul, voilà, c'est exactement ce que j'avais nommé. C'est vraiment le pire jeu. Oui. Oui, clairement. Je sais plus si tu prenais une décharge. Non, il y avait juste le bruit. Hein. Oui, il y avait juste le bruit. Oui. Tu prenais une décharge. Tu te fais taser si tu as... Un coup de fouet par... Le truc explose. T'as une chance sur deux de mourir. Super. Bah. Le meilleur jeu. En plus, j'étais deg parce que mes cousins, ma cousine l'avait ce jeu. Mais moi, non, malheureusement, alors que j'avais très envie d'y jouer. Voilà. C'est vrai que j'en ai jamais eu non plus de Dr. Maboul maintenant que tu le dis. Moi j'avais des jeux de récup. Ah ouais? Je crois, à part le Uno, j'ai jamais eu aucun jeu neuf. J'avais une boîte de Mastermind. Je sais pas si tu connais Si, Mastermind. Mastermind, Ça, c'est c'était trop bien, stylé. ouais. J'aimais bien. Et mec, j'avais une boîte, elle était pétée de ouf. C'était une édition de 1800. Mec, c'est abusé. Il y avait des codes soviétiques dessus pour les armes nucléaires. Enfin, Waouh! Mais attends, t'es sûr que c'était un jeu de société pour Maintenant enfants? que tu le dis, c'était peut-être une arme de destruction. Enfin voilà, ouais, le Mastermind, ouais. Très bon jeu aussi. J'avais La Bonne Paye ah ouais qui était trop bien, mais il y avait des petites blagues dessus. Je trouve jusqu'à un certain moment, ouais, au bout d'un moment tu te c'est lasses. saoulant. Puis Ouais. même ouais, le principe du jeu quand même c'est payer ses factures, c'est Oui. quand même un truc incroyable pour les enfants, Oui, alors c'est que vrai. en fait quand on grandit c'est très peu drôle, hein. Ouais, Quand il faut vraiment les payer c'est vraiment c'est beaucoup moins moins bien, drôle. mais t'étais toujours content de tomber sur des objets rares d'antiquité là. Ça s'appelait comme ça, Je me non? rappelle plus, Non. mais il y avait des items comme ça. Ouais, voilà, tu chopais des items et du coup tu les revendais et t'avais Incroyable, de c'était l'argent. incroyable, C'était cool. incroyable. Il y avait aussi Destin. Destin, tu n'as pas joué à ça? Du tout. Ah, attends, si, c'était pas un truc, un plateau énorme avec. Avec des voitures et Ouais, c'est ça. des Il y avait enfants et même des tout. montées et tout. Ouais, C'était. c'est Ouais, ça. ok. Le Alors, j'y ai plateau jamais était joué, mais je cool. connais. Ouais, Ça a bah, l'air trop bien, ça. c'était trop stylé. Je sais plus exactement comment ça jouait, mais c'était bien parce que ouais, vraiment tu faisais ta vie quoi, tu devenais bon, c'était que des métiers paradisiaques, mais Dur. bah astronaute Ou alors, est-ce que par exemple, rechercheur d'images sur des banques d'images payé 8000 euros par mois à bac plus 3 en ayant 22 ans à Paris? Bah c'est très précis et je vois pas qui pourrait faire ce métier. Toi. Non. Super, bah, Non, bravo. félicitations. Donc on parle de salaire ici, Bon, bah, super. et moi je dénonce, c'est le principe. J'ai pas peur de. Moi je dis tout, hein. Bah Okay. Dis-moi un d'accord. sujet, je suis politiquement correct, moi. Combien de fois t'as fait l'amour cette semaine? Alors, bah, sinon, il y avait aussi le Uno, grand classique. Vraiment très, très grand classique. Ah ouais, Trois fois. Et sinon, franchement, c'était. Non, mais voilà, le Uno, très le bien, Uno, le très grand bien. Ah classique oui. de la Quand tu te mauvaise foi aussi. mangeais. Ah oui, et tout le monde a ses propres règles à ce Ouais, jeu, mais c'est je crois, incroyable. d'ailleurs, je pense que même eux, ils savent plus où ils en sont. Non, Je pense oui. qu'ils font des règles. Si tu lis, j'ai jamais lu les règles du Uno, mais je suis sûr que. Non, mais je suis sûr, il n'y a même pas de règles Ouais, dans il n'y le a pas de paquet, règles, en mais c'est fait. sûr. Ils se sont dit, bah, c'est Il n'y en assez a pas. clair pour On va tout le laisser les gens se démerder, tant Voilà. pis pour les On va pas amitiés faire brisées. de polémique et tout. De poney non plus. On va Bah, pas faire de non, poney non plus, exactement. puisqu'on est là pour faire du Uno, donc très peu de Bah, poney, hein. D'ailleurs, le poney, c'est terminé. L'équitation, c'est fini. Petite référence à Gad Elmaleh, si tu nous Qu'on écoutes, embrasse, qu'on qu'on embrasse. embrasse. Et ouais, le Uno, très très bon jeu. Par contre, ça peut détruire des amitiés, Tout effectivement. comme Mario Kart. Tout comme Mario Kart, Surtout les Mario Kart, carapaces oui. bleues. Oh, Mais le quelle pire jeu, le horreur! pire Oh jeu, là le pire là! jeu. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le Loup-Garou, Loup-garou, auquel je joue encore maintenant, par moi j'y contre. ai joué très tard à ça. Genre, Ouais. ouais, la première fois que j'ai joué c'était il y a 5 ans. Ok. Ouais. Toi, ça existait déjà il y a longtemps? Je sais pas quand, mais je me souviens que j'étais encore assez enfant quand même, la première fois que Ah. j'ai joué. Je crois que c'était quand j'ai fait les scouts. Oui, car j'ai été scout. Très peu impressionnant le dire, hein. Ouais, Très non, peu. pas Mais en vrai, ouf. c'est une bonne expérience. Je suis parti parce que je n'avais absolument pas l'esprit de, enfin, du camp scout dans lequel j'étais, qui je trouve à mon opinion. Bref, on n'est pas du tout là pour parler de ça. Bref. Il y avait quoi d'autre comme jeu de société un peu marrant? Il y avait le Monopoly, Ouais, forcément, classique, classique. qui est Indémodable, d'ailleurs. indémodable, Il y a trop une. bien, mais disons que quand tu commences à sentir la merde arriver La pour toi, banqueroute. c'est un chemin des Ouais, enfers pour finir le jeu ah, et c'est t'es vraiment. là, t'hypothèques tes maisons, tu fais tout. Tous les trucs les plus sales, tu les fais. Voilà, tu vends toutes tes parties aux joueurs d'en face qui, eux, du coup, sont avares d'avoir Bon, bien encore plus sûr. d'argent et de te faire tomber C'est vraiment dans l'échelle sociale. la C'est horrible. glorification du capitalisme à outrance, ce jeu. C'est Pour les enfants de 6 ans, à partir de 6 trop ans. bien. Ouais, et putain, par contre, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est à quel point ils ont réussi à décliner le Monopoly Dans dans tout. tous les thèmes possibles et Moi, imaginables. j'avais un Monopoly foot. C'est vrai? Ouais, Bah, ça m'étonne très tu peu. pouvais acheter des clubs de Ligue 1 et tout. Stylé. Dont, par exemple, le RCSA, le Racing Oui, Club qui Strasbourg. était en Ligue 1 il y a longtemps et qui l'est de nouveau aujourd'hui, Ah, ça fait après une belle plaisir. traversée du désert. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils ont bien bossé, notamment ah, oui. Seca. Qui est le meilleur joueur du monde. C'est faux. mais bon, on est un peu méchant avec Seca, le pauvre. Bah moi, je l'ai toujours aimé. Je trouve que c'est dommage, le bashing. C'est comme Giroud. Honnêtement, je suis très peu le foot, mais je trouve le bashing que reçoit dommage. Cet homme est c'est déjà dommage. Injustifié, mais en plus d'une méchanceté incroyable. Ouais. Pauvre homme. C'est clair, le pauvre Giroud. Enfin, pauvre homme. Pourtant, il va pouvoir se moucher dans ses millions tout de même, mais... Nul Giroud. Oui, alors comme autre jeu de société. Non, je pense qu'on faut envoyer sur autre chose. On va peut-être pas parler de tous les jeux de société. Tous les jeux de société. Il y a beaucoup de trucs qu'on faisait quand on était enfant, par exemple des dessins animés. Ah oui. Entre les dessins animés maintenant et à l'époque. Ah oui, mais là. T'es en train de dire que c'était mieux avant là. Bah, ça commence à sortir. On avait peur de ça avant le podcast de tomber dans le. C'était mieux avant. Mais en vrai, je pense que c'était pas mieux avant, à partir du moment où tu comprends que c'est normal, en fait. Genre, par exemple, quand j'étais plus petit, je me rappelle quand j'étais au collège et que je regardais, par exemple, c'était les débuts un petit peu vraiment de YouTube de manière genre un peu industrielle, c'est-à-dire les gros chiffres et tout, et qu'il y avait encore Joueur du Grenier qui faisait de gros chiffres sur Dailymotion. Moi, je regardais ça sur Dailymotion avant de partir au collège. Et genre... Mais c'était trop marrant. Et dans la cour de récré, mais on répétait mais toutes les répliques, tu vois. Putain, ouais, moi, c'était un pareil. Truc de ouf. Et aujourd'hui, je regarde Joueur du Grenier, et ça m'arrache difficilement un sourire. Mais pas parce que c'est devenu plus nul, mais c'est parce que j'ai évolué mentalement et c'est plus du tout mon type de truc. Mais il y a quand même un travail monstrueux derrière, ouais. C'est incroyable. Et même, en fait, si on découvrait le Joueur du Grenier aujourd'hui comme il était avant... Ouais. On se dirait, mais enfin, c'est nul. C'est clair. Ouais, c'est vrai que YouTube, c'est énormément professionnalisé. Putain, mais en vrai, en parlant de en 18 ans, ils s'en sont passé des choses. Et le temps passe vite, c'est fou. Il n'y a plus de saison. Mais on peut revenir quand même au sujet des dessins animés. Mm-hmm. Moi, je me souviens que je regardais le meilleur dessin animé de tous les temps. C'était le Batman, okay. Qui est sorti dans les années 90. Quoi, tu croyais que j'allais dire Spider-Man ? Non, Dragon Ball Z sur MCM, mais bon. Oui, c'est vrai. Putain, on n'a pas la même vision du monde. Dragon Ball Z aussi. Oh non ! Ouais. Mais non, en fait. Décevant ! Mi bémol. En fait, pour moi, c'était en tout cas le meilleur générique de tous les temps. Celui de Batman. Ah. Parce que, encore aujourd'hui, il me procure des. Et bah, tu vas d'ailleurs le chanter. 1, 2, 3, c'est parti. Voilà. Vous avez eu des frissons, bah, je comprendrais pas pourquoi, car c'était vraiment très moche. Mais en tout cas, j'ai reconnu. Donc, c'était bien fait. Bah, voilà. Oui, je veux bien un peu de coca, s'il te plaît, Quentin. Toi qui agites. J'ouvre la bouteille dans le plus grand des silences. Je ne fais aucun bruit. Je l'agite loin du micro pour que personne m'entende. Et ton premier réflexe, quand je te demande si t'en veux, de manière discrète, voire ninja, tu me dis oui, oui, j'en veux du coca. Non, mais ça fait partie des aléas de la vie. Donc. Bah non, on n'est pas en direct. Ah, c'est vrai. On pourrait couper au montage. Mais bon, on va pas le faire parce qu'ici c'est une émission authentique. Voilà, c'est ça. Nous, on n'est pas ces gros PD là qui coupent. Oui, pardon. Ça veut dire quoi ça ? Non, je suis pas homophobe. Oui, bah j'espère bien. Bah, pas du tout. Ok, bien. Moi, j'aime les hommes. très beau coming out. Merde, C'est parti de l'homophobie au coming out. Au coming out. maintenant, je suis obligé. Ça y est, bah, c'est publiquement, c'est annoncé maintenant. Je vais le dire à ta mère. Ah mince. Batman qui t'a marqué. Ouais, très beau générique. Il y avait beaucoup de dessins animés qui, je trouve, au final, n'étaient pas si ouf que ça. Ben 10, c'était bien, ouais. mais sans plus. Martin Mystère aussi. Martin Mystère, par contre, j'adorais. Toi, tu kiffais ? En fait, moi, ça me faisait flipper, c'est pour ça. Moi, c'était toute la dimension paranormale, je trouvais ça trop stylé. Je me disais, waouh ! Genre la créativité des gars de trouver toujours un autre monstre, comme Scooby-Doo, tu vois. Même encore Scooby-Doo, ça continue maintenant. Et je me dis, mais comment les gars font pour avoir tout le temps un costume différent, un méchant différent, une idée, une enquête différente ? Incroyable, ils ont une créativité qui est surnaturel. Scooby-Doo-Bidoo. Est-ce que t'as vu le film d'ailleurs? Ouais, j'ai vu les deux. Et alors? Ah, il y en a eu deux? Ouais. Putain, j'ai vu que le premier. Bah, le 1 était bien. Ouais, j'en ai un bon souvenir. Ouais, enfin, pour des enfants, en tout cas, c'est très bien. Très bien. Oui, mais le 2, non, même enfant, je me suis dit, bah, pas ouf. L'enfant hyper critique devant sa télé. Non, c'est vraiment pas C'est bien. Comme, j'étais aussi, comme toi, hyper fan de Dragon Ball. Mm. Et quand j'ai découvert qu'il y a eu un film américain avec du budget et tout pour Dragon Ball, je me suis dit, mais incroyable, moi c'est qui regardais des fanfictions sur YouTube et tout, je me disais, ouais, on n'y croit pas trop et tout, les costumes sont pas ouf. Je me suis dit, mais un truc, un vrai film sur Dragon Ball, ça doit être incroyable. Et c'était Dragon Ball Evolution. Et moi qui avais des yeux d'enfant à ce moment-là... T'avais envie de les crever. Bah, j'avais envie de me les crever. Non, en fait, j'ai essayé jusqu'au de bout du film de me convaincre que c'était bien. Mais à la fin, je me suis dit, bah non, non, c'était pas bien. J'ai juste essayé, monsieur Toriyama, mais c'est trop mal demandé. Exactement. Mais, toi, tu l'as pas vu. Mec, j'ai jamais... Je me suis jamais... J'arrive même pas à le dire. À l'imaginer, ça me fait mal, tu vois. Vraiment, en tant que fan de cette saga qui a forgé mon amour pour les animés, les mangas et tout, mais jamais de la vie je regarderai ça. Jamais de la vie. T'as bien raison. J'ai vu le. Je me souviens, parce qu'il est sorti en 2009 ou 2008, et ça fait quoi? On avait 12, 13 ans? Ouais, peut-être un truc 14. Comme ça. S'il est sorti en 2008, on avait 12 ans, bref. Et je me souviens, j'ai vu la bande-annonce, et je me suis dit, mais jamais. Jamais, car c'est la pire chose qui existe. Et déjà à l'époque, je ne me suis pas trompé sur ce film, car personne au monde ne l'a aimé. Mais moi, je me suis dit, je vais faire confiance aux adultes qui ont fait ça. La pire erreur. C'était la pire erreur. Ils ont fait ça juste pour l'argent. Bien sûr. Comme tout en ce moment. Voilà, exactement. Finalement, ça va partir sur un podcast politique et anticapitaliste. Politiquement engagé. Moi, je suis en train de construire un petit village éco, là. Ouais, c'est vrai. Autonome. En Papouasie. Encore, avec Eléa qui est poète, là-bas. Qui passe son temps à faire de la poésie. J'en peux plus, elle aide pas le village. Elle écrit juste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors que, pourtant, dans le dernier podcast, elle était pas très inspirée. Hein. Oh, ça balance. Bang, bang, bang, bang. Tiens, prends ça, Eléa. Vraiment la rancune. Du coup, on parlait des années 2000. Ouais. Il y a eu plein d'autres trucs. Dans les années 2000, il y a eu quoi? Il y a eu les films. Il y a eu quoi? Il y a eu le film qui a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, à savoir Spider-Man 1, que j'ai. Je l'avais en. Hein? 2004. Ah ouais. Je crois. J'irais bien, ouais, 2004, ça doit... je vais vérifier. Mais 2002 ou 2004, un des deux. Ah ouais, 2002, vraiment tu... C'est possible. C'est possible. Ouais, si j'avais 6 ans, ouais, 2002, c'est possible. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouf. Je me disais, j'étais jeune, mais en fait, je l'avais regardé très tôt et tout, et je suis tombé amoureux immédiatement. Du film, du personnage, de l'univers. De tout l'univers, et en fait, mon frère l'avait reçu pour son anniversaire, mon frère qui est âgé de 8 ans de plus que moi, donc lui avait... 16 ans à peu près. Et en fait, c'est moi qui l'ai regardé tout le temps. Vraiment, on avait un lecteur DVD et le DVD de Spider-Man était 100% du temps dans le lecteur DVD. Et c'est moi qui le regardais. Mais franchement, je regardais le film et 30 secondes après, je le relançais direct. J'enchaînais sur des fois 3, 4 fois où je regardais juste le film comme ça pendant des jours. En fait, j'ai dû le regarder franchement au minimum 50 fois, quoi. Mais je me demande, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'effectivement, t'es un gros, gros fan de Spider-Man aujourd'hui, tu vois. Et je me demande, parce que en gros, en vrai, ça a été un petit peu la première adaptation cinématographique d'un super-héros qui était vraiment efficace, tu vois. Ouais. Ok. Quoique, non, il y a eu des Batman avant quand même. Bon, si, ouais, il y a eu des bons Batman, bon, Tim Burton et tout. Parlons en tout cas de Marvel alors. Okay, ouais. De Marvel, c'est vraiment le premier qui était de qualité. Mm-hmm. Est-ce que si ça avait été un autre super-héros Marvel, c'est de lui que tu aurais été fan? C'est une question que je me pose. Un Captain America ou n'importe lequel. Non, mais tu vois, même, imagine, ça aurait été, je sais pas, un truc un peu pourri. Je pense pas trop. Ouais. Bon, moins en tout cas, parce que. Ce que je trouvais bien avec Spider-Man, c'était vraiment un personnage avec qui on pouvait s'identifier très vite parce que le mec était pas plein aux as et tout, il galérait dans la vie comme beaucoup, comme la majorité du monde en Un fait. peu un loser magnifique, Un, quoi. voilà, Le exactement. fameux Alors loser magnifique. que un personnage comme Batman, même si on l'adore, on peut pas s'identifier à lui parce que il est vraiment plein aux as, milliardaire tellement qu'il peut s'acheter mais des Batmobiles à foison, des trucs Bah, d'ailleurs, incroyables. il est fait construire sur mesure, puisque je Bah rappelle oui. qu'il n'y a pas de concessionnaire pour Batmobile. Bon, en tout cas, j'en ai Exactement. jamais vu. Hein, donc. Mais là, Ou Iron c'est. Man, par exemple, ou Captain America, qui est un mec qui est, enfin, un soldat des années 40 qui revient aujourd'hui. Tu peux pas trop t'identifier à lui, enfin, pas autant en tout cas que Spider-Man. Bah, franchement, bon, c'est un débat qui serait qu'on fera dans un autre podcast, parce que je le trouve très Les intéressant. super-héros, ouais, Mais un bon ouais, sujet de mais je suis podcast. pas d'accord avec toi. Ah bon? Vraiment, parce que je trouve que la dimension psychologique prend largement le pas sur la dimension matérielle. Personnellement, je m'identifie. Alors bon, c'est probablement dû à nos histoires personnelles de chacun et tout. Attends, Iron Man? Non, mais je m'identifie beaucoup plus, par exemple, à Batman Ouais. qu'à Spider-Man, tu vois. Spider-Man, j'adore, comme toi, j'adore vraiment. Je l'ai. Bon, par contre, moi, je l'ai vu beaucoup plus tard que toi. Hein. Je devais déjà être en 6e, je pense, ou peut-être en CM2, tu vois, mais j'étais plus vieux que toi. Et je me souviens que j'avais surkiffé, j'avais trouvé ça trop bien. Mais déjà à l'époque, je me disais, quand même, ce gars, c'est un loser fini, quoi. Et genre, Ouais. franchement, s'il n'avait pas eu ce pouvoir, que en réalité, il ne mérite pas, parce que c'est arrivé totalement par hasard, mais ce mec n'aurait rien fait de sa vie. Tu vois, enfin, pas dans le sens c'est mauvais, mais ça aurait été dommage pour lui parce que. Bah non, parce qu'il était promu à un grand avenir scientifique, c'était une tête, c'était un quand même. Donc s'il avait pu se consacrer tout le temps à ça, il aurait pu devenir un très grand C'est scientifique. là où tu m'as coupé, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est, il se serait fait écraser par tu vois, le regard des autres, ce genre de. Non, je pense Bah, pas. franchement, si, je pense. Non, parce qu'un mec comme ça, c'est un rat de laboratoire et ça, enfin, il n'y a pas besoin d'être super social pour réussir dans ce métier. Ok, mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il adore à ce point endosser le rôle du super-héros comme ça, alors qu'à la base, il a vraiment pas cette psyché, tu vois, Bah cette psyché? parce qu'au début, comme c'était un loser. Bon, bah, je vais juste finir là-dessus. Vas-y, vas-y. Mais comme c'était un loser, en fait, en prenant ce pouvoir, il a pensé d'abord à se venger. Tu vois, enfin, comment dire, il était dans un mauvais état d'esprit parce que vraiment c'était un loser à la base, etc. Et là, vu qu'il était devenu surpuissant et tout, c'est bien ce qui s'est passé dans le film quand. Après, je Oui, te bon, le mais on quand. sent la passion, tu vois. Quand ouais bah il y a le braqueur qui prend l'argent, enfin bon vous connaissez à peu près tous l'histoire de Sauf si vous ne l'avez Spider-Man. pas vu, allez le voir immédiatement. Coupez ce podcast et regardez Spider-Man 1. Mais oui, il faut le voir. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est dingue. D'ailleurs, on en a déjà parlé Mais oui! dans la bonne franquette 1. Bref. Et ouais, il laisse partir un voleur qui au final L'escroc. tue son oncle et Que l'on croit. hein, que l'on. Que l'on croit que c'est lui. Comment ça? Bah finalement, c'est pas lui. Oui, enfin, dans les comics, c'est vraiment ce gars-là. Et du coup, ça fait que il comprend que se venger, ça ne sert à rien et qu'il faut faire le bien. Et du coup, il fait tout pour œuvrer au Pour la mieux veuve et pour la veuve et l'orphelin. l'orphelin. Voilà. Bah écoute, en tout cas, juste pour finir ce débat par rapport à l'identification par rapport au personnage fictif, moi je m'identifie beaucoup plus à Batman parce que son. Déjà, c'est quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive. Enfin, certes, il a des milliards et des milliards de dollars. Mais bon, en vrai, c'est une ficelle scénaristique qui permet de justifier. Scénaristique. Scénaristique. Parce qu'elle est cynique, c'est une ficelle extrêmement cynique. Non, c'est une ficelle scénaristique qui est quand même cynique, mais voilà, qui permet de justifier ce pourquoi elle a autant de gadgets, tu vois. Mais en tant que tel, la façon qu'il a appris à se battre, à être robuste, tu vois, à pas lâcher prise et tout, c'est quand même uniquement lui. Et il a travaillé sur ça, tu vois. Et dans ce sens, je m'identifie beaucoup plus au personnage de Batman qui est, je trouve, plus chevaleresque et noble, même s'il y a une grosse part de noirceur, que Spider-Man qui. Je le répète, n'a rien fait pour ça. C'est un truc dont il a fait bon usage, tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Vraiment, il a fait le mieux possible. Mais à la base, il m'a dit. Non, mais la phrase un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, elle est superbe. Elle est incroyable. Elle a marqué toute une génération, d'ailleurs, on s'en souvient tous. C'est mon tweet épinglé, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu viens de faire un plug éhonté de ton Vince compte Twitter, là ? 671 sur les réseaux. Allez chercher ça. Attends, mais tu viens de refaire un plug éhonté. Mais non, j'ai rien dit. Clairement, si. Mais non, Vince 671. Tu as l'offre. Non, mais non, V-I-N-Z. Bon, dans les années 2000, il y avait aussi la musique. La musique. La musique, c'est la musique. Si je veux des blagues, je vais au Comedy Club. On fait vraiment souvent des références à Evie, c'est incroyable. Ouais. La musique, bah perso, en fait, j'étais très peu musique quand j'étais petit. Petio. Je me souviens qu'il y avait juste quelques musiques que j'adorais. Mais qui étaient vraiment mes musiques préférées et que du coup j'écoutais tout le temps, mais sans me pencher vraiment sur tout le reste des œuvres musicales existantes. Et c'était. Du genre. I'm Blue Dabedidabeda de FL65. C'est sorti en 2000 ça ? Non, c'est sorti plus tôt, mais c'est les seuls que. Enfin, c'était l'une. Ouais, ma musique préférée pendant très longtemps. Mais vraiment, j'étais tout petit. Il y avait aussi... comment elle s'appelle ? Dragon... la musique des... Dragon des Romains. In the Day, là ? Ouais, ouais. Numa, Numaillé, tout ça. Ouais, ouais, avec les mecs sur une aile d'avion. Exactement. J'adorais cette musique, alors que vraiment très peu bien. Incroyable. Et perso, la musique de cette époque-là, je m'en souviens pas trop. Je l'ai plutôt écoutée grâce à mes frères et sœurs. Qui eux aimaient beaucoup la musique, du coup maintenant quand je mets des playlists des années 2000 et tout, ça me fait des petits moments nostalgiques, tu vois, parce que je me rappelle de musique dont je connaissais pas le nom, pas les artistes et tout, mais je me rappelle que j'écoutais ça dans la voiture avec mon frère ou avec mes sœurs, etc. Donc c'est d'ailleurs par rapport ça c'est intéressant parce que en fait finalement j'ai l'impression qu'on fait plus un podcast sur la pop culture des années 2000 que sur... Bah moi c'était ce à quoi je pensais. Ok, d'accord, ok. Bah, pourquoi toi tu pensais à quoi? Non, moi je pensais que c'était plutôt. Plutôt, exactement, merci. Et pas Pluton, qui n'est pas une planète, chère. Et pas Pluto, le chien de Mickey. Peut-être. C'est ça, hein. Je sais pas. Bah si, c'est ça. Mais Dingo et Pluto. Non, attends. Si. Pluto c'est le chien ou c'est Dingo? Mais en fait, il y a Dingo, c'est un chien qui est habillé et qui marche sur ses deux pattes. C'est et ça. Pluto, c'est un chien tout court. Esclave. C'est vrai, vu comme ça, c'est vrai. D'ailleurs, Donald Duck est nu finalement tout le temps, sans arrêt. Et quand il sort de la douche, tu sais, d'habitude, il a juste un t-shirt et il est nu en dessous. Et quand il sort de la douche, il a une serviette juste autour de la taille. Donc vraiment, ça veut dire que tout le reste du temps, il est à poil. Oui. C'est horrible. Ah, c'est horrible. Vu comme ça, c'est moins bien. D'ailleurs, quand t'étais petit, tu lisais Picsou Magazine, tout ça ? Non, Mickey Paradjian et tout. Moi, je lisais ça, c'était trop bien. Ouais. Ah ouais. Enfin, c'est ouf, tu vois. Genre, mais c'était quoi ? C'était juste des histoires ? Il y avait des pages de jeux aussi ? Ouais, c'était des bandes dessinées, mais un peu à l'américaine, tu vois, à mi-chemin entre comics et bandes dessinées. Ouais. Mais c'était vraiment trop cool et c'était tout l'univers Mickey, tout ça, très très cool. Écoute, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que j'ai énormément de mal à me souvenir des musiques que j'ai écoutées dans les années 2000. Alors il y en a qui m'ont marqué, tu vois, comme par exemple TikTok de Kesha, tu vois, TikTok, ah me claque, parce que bref. Très bien chanté d'ailleurs. Merci beaucoup, j'ai pris des cours de chant pendant 18 ans. J'ai l'impression que t'es un sosie de Kesha qui fait des reprises sur... Non, car tu es sarcastique. Ah oui, c'est vrai. Mais par contre, globalement, j'ai aucun souvenir de vraiment précis de musique, tout ça. Et aujourd'hui, bon, on se souvient énormément des musiques qu'on écoute, tu vois, genre les Booba, les trucs, tout ça. Ouais. On se souvient vraiment de titres en particulier, mais je me demande si dans 10 ans, en fait, comme on consomme énormément de musique, je me demande si dans 10 ans, on se souviendra encore vraiment de ces musiques ou ce sera juste des souvenirs lointains, tu vois, non, comme à l'heure actuelle. Je pense que c'est juste qu'à l'époque, t'écoutais... Sans trop faire attention. T'écoutais, oui, sans faire attention au titre. Quand t'es enfant, tu t'en fous du titre, en fait. Vu que nous, en plus, on pouvait plus difficilement qu'aujourd'hui les retrouver, les chercher sur les chasamés. Des mots qui n'existaient pas. C'est vrai. Très peu à l'époque, très peu. Très peu de Shazam. Et pourtant, ça nous aurait sauvé la mise, parce que le nombre de fois où Shazam m'a servi, perso... Ouais, perso aussi, pareil. D'ailleurs, je pense que toi aussi, t'as déjà essayé de faire... Non, de siffler, jamais, non parce que je me suis dit, bah, c'est impossible, il faut être vraiment débile. Non, ça marche sur une application qui s'appelle... ouais, je sais qu'il y a des applications donc, comme ça, le mais gros pas débile, Shazam. C'est toi, ok. Mais je non, merde, je rigolais, non, vas-y, dégage. mais voilà, bah vas-y, je vais te donner quelques noms de musique et tu me dis si tu t'en souviens. Bah, si j'ai bien vu, t'es sur une playlist Spotify des années 2000. Exactement. Et je pense que je l'ai déjà écouté celle-là en plus. Mais il y en a plusieurs. Après, peut-être, vas-y, balance des titres. Ah oui, mais attends, c'est même des trucs. Attends, c'est même des trucs récents, genre Get Lucky sorti en 2012, non? Ouais. Ouais, c'est okay. Vrai. Bah attends, parce que ouais, elle est trop large, genre, cette musique. Oui, il y avait du Toxic de Britney Spears, ça, par exemple. Oula, pardon, j'ai lancé un top 3 des pires souvenirs des années 2000. Donc un autre podcast en live directement. Et ben, on vous fait un bisou, on leur fait la bise. On leur fait la bise. Topito Daily. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre on avait quoi? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé séries, films. Il y avait... en série, pas vraiment, on a surtout parlé de dessins animés. Il y avait Charmed en série, que je regardais beaucoup. Moi, je connais pas. Desperate Housewives. J'ai jamais regardé. Putain, c'est vrai, tu as un truc. Mais t'es une femme ou quand t'as un mec répond? Et alors, t'as quelque chose contre les genres, hein? C'est non, ça que t'es en train de dire, peut-être? Non. Pour toi, il y a une scission vraiment entre les races, les sexualités, c'est ça? Exactement. Bah, t'es la pire chose dans je cette... suis Hitler. Lui-même. Non, tu es pire, bien pire. Bien pire. Bien pire. Bah, c'est vrai. en série, je sais que ma sœur regardait Undo Stress et moi ça me tuait parce que je rentrais de primaire ou du collège, je sais plus, et je la voyais regarder ça alors que moi je voulais mettre des dessins animés en masse et ça me. J'ai une anecdote sur ça. Vas-y. Comme ma mère, enfin bref, voilà, bon, famille monoparentale, mère... Arrête de te plaindre. Non, je me plains pas, mais j'explique la situation, famille monoparentale, du coup une mère qui se défonce vraiment au taf, tu vois, pour faire bien vivre tout ça. Elle était souvent pas là le soir, en déplacement et tout, partout dans la France. Et du coup, mon grand-père, parfois, me gardait, pas tout le temps, mais parfois, il était là. Et je me souviens que quand il était pas là, bah, je regardais à fond Dragon Ball, tu vois, sur MCM, tout ça, ça passait vers... Ah, et t'avais pas le droit s'il était là 10, bah attends, 17h20, et non, lui, il aimait pas, parce que c'était ultra violent, tu sais, enfin, c'était un peu la mentalité de l'époque, ouais, bref. Et ce que je peux tout à fait comprendre, tu vois, c'est vrai que quand tu connais pas, et qu'un truc comme ça apparaît, où t'as des gars sur ta télé qui font... Ça peut être un peu étrange, ça, en vrai, je peux comprendre. Et bref, du coup, au bout d'un moment, il m'a quand même laissé un petit peu regarder. Mais à 18h, t'avais Question pour un champion. Et Question champion, on rigole pas avec Question pour un champion. Avec Julien Lepers, on déconne pas, putain. Et du coup, je devais obligatoirement couper mon épisode et lui, il devait regarder. Et du coup, je m'étais. Tu sais, il était tout le temps là quand je rentrais de l'école. Oh non. Mais attends, du coup, je mettais à fond la télé comme ça. Et du coup, il regardait, il s'endormait. Et comme ça, je pouvais regarder. Ah non, ok. Et moi je pensais que genre tu avançais toutes les horloges et tout pour faire croire. La pire chose. Mais non, mais de toute façon ça aurait marché qu'une fois. Ah oui. C'est vrai. C'est le plan démo. L'enfant qui réfléchit comme un PDG d'une usine de pétrole. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait de vrai, avait... Plus belle la vie aussi, emblématique, qui a marqué les années 2000 et encore maintenant d'ailleurs. Je sais même pas encore ce qu'il faut. Maintenant. Bah, Luna, je sais. Nathan. Je sais pas pourquoi ça perdure ce truc. Moi, je peux comprendre. Ok. Voilà. Pas plus de pas sur la plus belle la vie. Non, en fait, je pense que... Bah, j'ai beaucoup regardé parce que ma mère est une addicte de ça. Enfin, elle le regarde beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais voilà, elle regarde toujours. Et en fait, je pense que en fait, ça devient un petit peu comme un rendez-vous quotidien avec des amis à toi, tu vois. Parce que c'est, tu vois, c'est pas du tout une série Marvel où t'as tout qui explose, machin, tout ça. C'est vraiment un truc un peu de vie quotidienne. De tranches de vie, comme on dit. Et du coup, en fait, je pense que tu développes une sorte de relation amicale, vraiment, avec les personnages, où tu as envie de savoir ce qui se passe et tout. Donc voilà. Enfin, moi, j'explique ça comme ça, en tout cas. Ouais, non, mais il y a que comme ça qu'on peut l'expliquer, parce que je sais pas qui est là grâce au scénario, quoi. Ou grâce au jeu des acteurs. C'est vrai que c'est souvent les mêmes trucs. Mais bon, par contre, moi, enfin, cette série force le respect, parce que Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est une industrie, une organisation derrière, mais monumentale, tu vois. Mm. Genre, on a l'impression que c'est tourné avec trois Canon 5D au milieu de Marseille. Et non, il y a tout un studio, un max de trucs préparés. Et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, la bise à eux, voilà, tout simplement. Même si je ne regarde pas du tout et que ça ne m'intéresse pas, la bise à eux. Il y avait les jouets. Ah, les jouets. Moi, perso, moi, à un moment, je jouais aux billes. Mais, donc un jeu vraiment des années 20. Non, mais je pense qu'il a joué parce que t'as appris que tes parents genre y jouaient et tu t'es dit bah je vais essayer. Non, parce que mon frère avait encore des billes et du coup vu qu'il en avait tout plein, je me suis dit je dois reprendre le flambeau. Ouais. Et donc jouer avec ma cousine aux billes, etc. Mais la vie trop triste. Mais sinon, non, j'avais des petits soldats. Ah, les verts, là. Des petits soldats verts. Les fameux, ouais. Comme dans Toy C'était Story. C'était trop bien, ça. Je m'amusais à faire des tuer scènes. Tuer des gens et tout, trop mais bien. Mais non. Mais je faisais des scènes de combat sur toute ma donc, chambre. Donc, tuer des gens. Alors, vu comme ça, ok. Non, mais je mettais des petits bonhommes verts partout. Mm. Dans ma chambre, sur le bureau, partout. Il y en avait partout. Si on marchait, on s'éclatait le pied sur un soldat, très certainement. Et ouais, il y avait ça qui était bien cool. Sinon, j'avais aussi... perso, j'avais aussi quelques figurines qui venaient aussi de mon frère. Des figurines Batman, Spider-Man. En fait, tu récupérais tout de ton frère, quoi. Ouais. Okay. Non, non, mais non. C'est une bonne chose, hein, c'est pas du tout. Non, mais non, la plupart des jouets, non, c'était les miens. Mais j'en ai eu quelques-uns de mon frère et j'en prenais grand soin parce que je me disais, ouais, c'est pas à moi. C'est un souvenir, ouais, c'est vrai. C'est tu te sentais genre un peu gardien de ces jouets. Mais à un moment, j'avais une manie avec les jouets Spider-Man. Parce que j'en ai eu mais des tonnes et enfin c'était toujours des figurines mais en fait à chaque fois c'était des figurines où il y avait un truc qui me plaisait pas et du coup j'avais envie d'avoir une autre qui apportait ce truc mais sur l'autre il y avait un truc qui me plaisait pas non plus donc ouais, j'en avais pas. C'est comme ça qu'ils vendent des cartons entiers de ces merdes d'ailleurs. Exactement, mais j'en avais une qui était quasiment parfaite, qui était super bien articulée. Mais et qu'est-ce tout. Qui n'allait pas? Et la couleur était nulle, le bleu. L'enfant designer. Mais non, enfin, mais en fait. C'est quoi ce bleu hexadécimal? Qu'est-ce non. que vous avez fait, les gars? C'est pas sérieux, quelque chose comme ça. Non, mais vous avez vrai. Touché de l'argent pour ça. Mais c'est vrai. Non, mais en fait, le rouge et le bleu étaient vraiment fades, tu vois. Ouais. Et t'as c'est pas, dommage. Non, mais parce que Spider-Man, il avait un costume un peu pétant. J'allais te tendre un piège sur Spider-Man, justement, le rouge et le bleu. Je voulais te pousser dans tes retranchements, mais t'es trop intelligent. On ne peut pas dire. On peut pas te piéger. T'allais dire quoi? Bah en fait, j'essayais de t'amener à dire bah non, le rouge et le bleu nul et tout ça. Et après, j'allais faire la carte piège, Spider-Man. Mais tu as déjoué mon piège avec grâce à ton brillant. Bah moi, je joue à Yu-Gi-Oh! De ouf. D'ailleurs, Yu-Gi-Oh! Ah là là! D'ailleurs, je souhaite passer un appel. Je me souviens, en sortant du Auchan, quand j'étais plus petit, il y a très longtemps, on avait acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Avec ma mère. Et j'avais eu une super carte rare qui était Stifler, le drap. Exactement. J'avais eu une carte Stifler, mon gars. Il mettait sa tub dans un gâteau et c'était une carte piège. C'est pas lui qui fait ça. Non. Ah bon, ben, genre, j'ai très peu regardé cette merde. Mais waouh, ça. Non mais honnêtement, American Pie, j'ai toujours trouvé ça genre too much, tu vois. Genre vraiment. Scary Movie. Ah ça, par contre, j'ai beaucoup aimé parce qu'on sent que vraiment c'est travaillé. C'est stupide, mais c'est travaillé, tu vois. Genre quand dans le premier, quand elle est poursuivie par le tueur de Scream et qu'elle se retourne, qu'elle est face à lui, elle regarde à droite et elle agit avec des armes. Ouais. Il y a une banane, un couteau, un gun et tout. Et elle prend la banane. Mais je trouve ça drôle, tu vois. Ouais, genre, ouais. Même la fin est très bien pensée et tout. Bref, c'est plein de références et c'est intelligent, tu vois. Alors que Scary Movie, j'ai juste. Alors tout... que. Pardon, Pie. American Pie, j'ai toujours eu l'impression que c'était juste des gars qui disaient ah, il va mettre sa bite là et ça va être drôle, tu vois. Et genre, franchement, on est tous les deux extrêmement partisans de l'humour pipi caca, tu vois, très immature, je pense que voilà. C'est une façon de décompresser. Mais là, je trouvais ça vraiment, vraiment trop bas, tu vois. Et je regardais ça avec une tasse de thé, avec mon journal à 8 ans, je me disais, mais vous êtes quand même pas sérieux. Exactement. Et je disais, enfin, vous êtes quand même pas sérieux, les gars, c'est pas... Voilà. Et tu te sais comme ça, car tu fumais là. Déjà. Un klaxon, j'ai vu le bruit d'un klaxon. Ah putain. Je sais plus de quoi on parlait. Des cartes Yu-Gi-Oh. Ouais, Yu-Gi-Oh. Ah, exactement. Et du coup, j'ai drop dans un paquet, j'ai drop Slifer, le dragon du ciel. Enfin bref, c'était un des trois. C'était le dragon rouge des trois dieux égyptiens là. Et je l'ai perdu. Et cette carte vaut cher. Si quelqu'un la trouve. Auchan, d'ailleurs, qui est devenu un Leclerc à Lingolsheim, juste à côté de la Foire Fouille et du Tubituba, juste en face du Noroto et du McDonald's. Si quelqu'un trouve cette carte, rendez-la moi, s'il vous plaît. Vraiment, j'aimerais la. Comment t'as fait pour la perdre? J'en sais rien, je sais pas. Mais et en fait, c'est la seule du paquet que t'as perdu? Non, plein d'autres. Ah, ok. Enfin, du paquet, non. Et évidemment, la plus rare et la plus chère, c'est celle que je perds, tu vois. La plus collector aussi. Enfin, j'étais trop fier d'avoir ça. Quand je l'ai drop dans le paquet, j'ai fait. Mais tu l'as gardé longtemps ou juste en sortant vraiment du... Non, je l'ai gardé quand même à un moment. Ah, okay. En fait, parce qu'en fait, je garde toutes mes cartes, Pokémon, Yu-Gi-Oh, tout ça. Je les garde dans des énormes cartons et tout. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. Parce que dans 20 ans, ça vaudra des millions. Ben, c'est 50% ça et 50% nostalgie aussi, tu vois. Ce que je me dis quand même. Et il y a aussi 5% de flemme, en vérité, de trier tout ça, bref. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire si vous trouvez cette carte, merci de me la rendre. Ouais, moi, moi perso, j'ai pas trop accroché à Yu-Gi-Oh! À part le dessin animé, je regardais un petit peu. Mais Pokémon non plus d'ailleurs. Oh là là, quelle honte! Ouais. Quelle honte! Quelle honte! Mais c'est marrant parce que chez moi, Pokémon c'était. Enfin, dans mon petit village et dans mon collège, c'était pas populaire en fait. Vraiment, il y en a que quelques-uns qui adoraient et ils étaient un peu... Marginaux Non, pas marginaux, exclus. Mais oui, ils c'est étaient... C'était un peu les geeks. Les victimes, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bizarre. C'était mal vu. Et après, ouais, c'était vraiment mal vu. Et du coup, ouais, j'avais pas trop accroché. Après, il faut dire aussi que dans ton village extrêmement bourgeois où tout le monde est fils de mère... À 6 ans, ça s'échange déjà des bouteilles de vin, donc peut-être que ceci explique cela. C'est sûrement ça. Et par contre, j'avais perso des cartes Dragon Ball. Ah ouais. Et ça, c'était vraiment très stylé. Enfin, en fait, j'en achetais juste pour avoir Dragon Ball. Un objet Dragon Ball, voilà. Uniquement. Et avoir. Son Goku. Exactement. Je voulais les meilleures cartes et tout, alors que j'ai essayé de. J'ai lu les règles du jeu, j'ai rien compris. Et j'ai pas cherché à comprendre. Oui, c'est clair. On s'en foutait des règles du jeu. Mais grave. Comme Pokémon, j'ai... Non, attends, mais mec, je dois avoir, sans déconner, des milliards de tonnes de ces cartes. Et je n'abuse déconner. Même pas. Mais non, mais bref, j'ai un paquet monstrueux. Et c'est vrai que les jouer à ça ne m'a jamais intéressé. C'était juste le fait d'avoir un objet Pokémon, le fait de les échanger, de les voler aussi, et voilà, de faire des quoi trucs. Mais tout le monde s'en volait dans la cour de récréation. Quoi? Attends, on faisait des trucs genre... je vais raconter une petite astuce de malfrat de personne qui a 8 ans. Mais t'as, à chaque âge, t'as eu des périodes où t'as... Il s'arrête. Le public de ce podcast n'est pas encore prêt pour ces anecdotes-là. Mais bref, du coup, dans la cour de récré, tu vois, on... Hein, Madagascar, j'ai dit. Quoi, je sais. Bref. Et le public de putain, tu m'as envoyé. Non, mais c'est une anecdote qu'on vous rencontrera plus tard. On vous la racontera un jour. C'est toi. Moi, je la raconterai. Et du coup, tu vas sur faire mon podcast. Ouais, c'est ça. Tu vas vraiment appeler un podcast Je dénonce réellement. Et dedans, tu vas vraiment dénoncer. Je vais juste parler de toi et des anecdotes les plus croustillantes de ta vie. Bah, tu vas faire 50 épisodes. Bref, non, du coup, en fait. On montrait nos cartes comme ça, tu vois, on mettait nos mains à plat avec les cartes dans les mains et on les montrait comme ça à l'autre. Et la technique, c'était de taper dedans pour qu'elles tombent et que le temps qu'ils les ramassent, t'en prennent et tout, tu vois, c'était ça. Et tout le monde faisait ça, genre c'était tout le monde était d'accord pour que tout le monde vole à tout le monde, en fait. C'était vraiment une sorte de marché noir un peu chelou. Mais mec, il y a des histoires dans primaire et tout, enfin, des trucs de ouf. Waouh, c'est bizarre. Ouais, non, on était déjà grand banditisme à 8 ans déjà, hein. Oh là. Bref. Ah, waouh. On a parlé de beaucoup de choses. Ça fait 53 minutes déjà. Ouais, ça passe à une 53 vitesse. Minutes de bonheur. Et 53 minutes de pur plaisir. Pour nous, pour les auditeurs, beaucoup moins. Et ben, vous nous direz. De toute façon, personne ne nous écoute. En tant qu'animateur, j'aimerais te poser encore une question. Exact. Comment? Exact. J'aimerais te poser une question. Exact. Exact. Toi-même, tu es animateur d'habitude, donc tu sais ce qui se passe. Exact. Et comment imaginais-tu le futur quand tu avais, quand tu étais en primaire? Trala, très bonne question. En fait, j'imaginais pas vraiment le futur globalement. Bon, en tant qu'enfant, t'as toujours eu un délire de waouh, on aura des voitures volantes et toutes ces conneries qui n'arrivent pas. Tu vois, on a des PS4 qui font réalité virtuelle, des trucs. On va sur Mars, mais on n'a pas des voitures volantes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Bref, Elon Musk, hein, c'est un appel direct à toi. Je te cible. Même si tu comprends pas le français, hein, au lieu de fumer des joints sur des podcasts américains. Voilà. Just do flying voiture. Yes. Non, on dit voiture. Okay. Ah oui, flying voiture. Okay. Voitures. Voiture. Il y en a plusieurs, voilà. Et non, bref, en plus j'adore Elon Musk, gros bisous à lui. Mais non, je m'imaginais surtout comment ce serait ma vie à moi, tu vois. Genre, avec quelle personne je traînerais, qu'est-ce que je ferais, d'autres trucs comme ça, genre à quel âge j'aurai mon premier boulot, qu'est-ce que ça sera, à quel âge je ferai ceci, à quel âge je ferai cela, tu vois. Et du coup, j'avais. J'avais vraiment tout le temps ce. En fait, j'avais hâte que le temps passe. Aujourd'hui, je regrette. j'avais hâte que le temps passe et je me disais, ouais, ça va être trop bien et tout. En fait, c'est bizarre parce que je croyais déjà pas au destin, mais j'avais déjà en tête cette idée qu'il y a un ordre des choses, tu vois. Genre, quand tu fais ceci, ça donne cela, bref, tout ça. Mais par contre, ouais, je m'imaginais dans un boulot assez stylé. Mais vraiment, j'avais pas d'idée de métier. Dans ma tête, juste, il était assez stylé, tu vois. Genre, j'avais pas forcément un gros salaire, parce que quand t'es gosse, tu penses pas à l'argent, tout ça. Mais t'étais habillé en costard. Ouais, full bad bitches, enfin, que des trucs stylés. Ouais. Non, mais voilà, et je suis curieux de voir ce que toi, tu penses de ça, parce qu'on n'a pas du tout grandi dans le même environnement. Bah, en fait, moi, tout ce qui était métier futur et tout, ça me faisait extrêmement flipper parce que je ne savais pas quoi faire du tout et j'avais l'impression que tout le monde savait ce qu'il voulait faire. Alors que c'est faux, déjà. Parce que, par exemple, ma cousine, elle m'a dit qu'elle voulait devenir vétérinaire, je m'en souviens. Elle avait 6 ans, elle m'a dit ça, elle n'est pas du tout vétérinaire aujourd'hui. Elle fait quoi ? Elle a fait une prépa et elle est dans... Oh putain... Un truc mathématique. Très peu de soins pour animaux. Voilà, très peu de soins pour animaux. Par contre, beaucoup de maux de tête. Oh, animaux de tête. Et toi, t'es animateur. Bah oui. Plus le temps passe, moins on rebondit sur les bas. Oui. Oui, c'est tout. Exact. Ma chaise fait vraiment un bruit de miaulement ou de manoir. Ah bah ça y est, évidemment, ça ne fonctionne plus. C'est le fameux truc, tu sais, comme quand t'étais enfant et que ton PC bug et que t'appelles genre un prof ou quoi que ce soit, et que pile quand il... Oui, mon chat perd beaucoup de poils. Et pile quand il arrive, ça fonctionne. Bref. Oui, donc du coup, toi, ton futur quand t'étais enfant. Moi, je m'imaginais pas du tout dans un métier parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Par contre, je m'imaginais plus des trucs du style « Oui, j'aurai une femme, machin, j'aurai 4 enfants. » Bizarrement, exactement le nombre d'enfants qu'on était dans la famille. Reproduire le même schéma, encore et toujours. Et je m'imaginais quand même, très proche de mes enfants et tout, et de ma femme. Et voilà, c'est à peu près tout. Je m'imaginais aussi rester... je m'imaginais pas aller en ville, parce que je connaissais pas du tout. C'est ça vrai. Me faisait flipper. Il y avait juste... C'est vrai, il y avait juste Salmar pour toi ? Non, mais je m'imaginais plus vivre à la campagne. Ok. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite qu'à la campagne, à part agriculteur, il n'y a rien à faire. Et comme j'aime pas tout ce qui est végétal et tout, moi je déteste les plantes. Je déteste la terre. Moi, j'ai envie de lui faire du mal. Un hater de légumes. Moi, je brûle des pneus le dimanche après-midi. Exprès. Tu les jettes dans la nature et je les brûle. Exactement, tu les jettes dans les rivières. Tu fais ta vidange en plein champ. Enfin, vraiment, c'est exactement ça. Et je m'imaginais plus à la campagne et tout, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. J'ai envie d'être en ville. C'est une question. Enfin, c'est intéressant. On va faire un callback sur ça. On fera un épisode dans 10 ans pour voir ce que ça a donné, y a. Mais quand t'étais enfant, du coup, t'imaginais rester à la campagne. Maintenant, tu kiffes la ville. Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Qu'est-ce que tu vois ça? Enfin, comment tu vois ça maintenant? Qu'est-ce que tu vois ça? Bah, je vais essayer d'apprendre le français d'ici. Hein. Bah, dans 10 ans, je me vois plutôt posé dans une grande ville. Ok. Avec une famille qui commence tout juste okay. à naître, tu vois. Genre un ou max deux enfants, quoi, dans 10 ans. Ah, quand même. Ouais. Ok. Et voilà. Ok, et t'as déjà une idée de ville ou un truc Parce que je te rappelle que là, plutôt tu pars à Paris. Plutôt un truc très grand. Tu pars à Paris, il y a encore quelques mois, tu voulais pas du tout quitter chez Tikaï. Oui, bon, ça va. Donc, non, mais du coup, je me demande. Non, en fait, je sais pas, en fait. Avec Elon Musk. Le truc, c'est que ça, tout dépendra de comment ça se passe à Paris, parce que j'y ai pas encore vécu. Mais si ça se passe bien, je me vois peut-être rester dans une ville au moins comme ça, quoi. Une grande ville, quoi. Ouais, voilà. Pas du tout à l'étranger ? Pour l'instant, non. Ok. À part dans un truc francophone, parce que je suis une petite lopette. Mais ça s'apprend. De... You can learn it, right ? Hein ? Hein ? Le gars, il comprend pas. Ouais. Attends, t'as parlé une autre langue. Oui. Bien vu. Et non, bah, ou alors un truc, ouais, genre Canada ou quelque chose comme ça. Mais alors, ouais, moi j'aime la France. Et tout ce qu'elle implique, ouais. Ce que ça implique. Par contre, je vois que là, je suis passé d'un petit village à Strasbourg, ce qui est quand même une sacrée étape. Oui, et surtout quand on voit le village. Et maintenant, je pourrais plus retourner dans un village. C'est vrai. Même quand ouais. on a une famille, genre un peu plus tranquille et tout, que était la grande ville. Parce que souvent, les gens font ça. Ils partent de la campagne pour aller à la ville, travailler quelques années, et quand ils ont des enfants, ils retournent vers des trucs un peu plus calmes, tu vois. Ouais. Ou au moins en banlieue, tu vois. Ouais, peut-être, je sais pas. Enfin bon, bref. C'est dur de se projeter. Par contre, là, je viens de me souvenir d'un truc. Quand j'étais enfant, je me rêvais connu pour un truc, mais pas pour la gloire, le succès, l'argent et tout, mais parce que j'avais envie d'aider les gens et inspirer les gens dans cette matière, tu vois. Genre, je me souviens que quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Mario Kart Wii. Sans mentir, je m'imaginais connu pour être un très bon joueur de Mario Kart Wii. Genre dans des interviews où je disais aux gens, enfin, où j'essayais genre de leur apprendre à comment jouer mieux, comment ça pouvait les déstresser, voilà. Que des trucs comme ça, tu vois. Et je me souviens que j'ai toujours eu cette espèce de fibre, j'ai pas envie de dire pédagogique, parce que ça serait extrêmement prétentieux, mais cette espèce d'élan de vouloir inspirer les gens, tu vois, à faire plus. Et alors, anecdote que je crois que je l'ai jamais racontée, même pas à toi, alors que Dieu sait que tu sais des choses. Mais sur le chemin du lycée, pendant quasiment ces 4 ans qu'ont duré le lycée, quasiment tous les matins, sur le chemin, quand j'y allais à pied et que j'étais tout seul, quand j'avais pas de potes, c'est-à-dire 100% du temps. Et oh là je rigole, 95% du temps. Non, non, mais voilà, quand les fois où j'étais seul arrivé, bref, ben, je m'imaginais en train de faire des tutos sur Photoshop, mec. Et c'est no fake. Genre vraiment, j'étais là avec mon cartable sur le dos, je marchais tranquillement, l'air guilleré en allant passer des heures en cours. Classe, voilà, exactement. Et je me disais, alors là, vous cliquez sur la loupe et ça donne un mec des trucs de ouf, tu vois. Et c'est incroyable parce que j'aurais dû le faire à l'époque. Ça aurait été des tutos claqués, nuls, vraiment de très mauvaise qualité. D'ailleurs, tu aurais appelé la série Tuto Claqué. Les tutos claqués des Quentin. Ça aurait été rencontré. Oh, belle allitération d'ailleurs. Merci. Ou assonant, je ne sais plus. C'est une allitération. Les consonnes, c'est une allitération. Ah, ok, bah oui, alors. Ah bah non, bah si. Je crois que les tutos claqués. Oh putain, attends, tu me mets le doute, je sais plus. Je vais checker. Mais en fait, non, c'est pas du tout une allitération. Les tutos claqués. Ah bah si, claqué Quentin. Claquer Quentin. En plus, je voulais les faire en claquettes, donc ça tombe. Bah voilà. Non, mais voilà, et c'est marrant de voir comme il y a quand même des traits de nous. J'imagine que t'as aussi des traits de certains trucs de quand t'étais enfant. Waouh, t'as fait une crise d'épilepsie pendant 2 secondes. Là. Bah écoute, oui, si, maintenant que tu le dis, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais jeuneau, je faisais souvent des dessins. Attends, Jeuneau, est-ce que c'était en rapport avec Jean Reno? Non, c'était avec Gérard Junio. Ok, pardon. Bah, je croyais, ça se ressemble, donc... Bah, non, pas du tout. Ok, un moment. Est-ce que c'est un rapport avec Jackie Chan? Bah, ça n'a rien à voir. Oui, c'est vrai, non plus. Et donc, je dessinais Gérard Junio, comme je dis, attends, mais non, mais n'importe quoi. Je dessinais beaucoup quand j'étais petit, notamment je vous le donne en mille, Spider-Man. Yes. Très beau dessin. Je me rappelle d'un Batman en talon que tu as fait d'ailleurs. En talon ? Oui, il a des talons. D'ailleurs, je crois que j'ai encore la photo. Non, mais c'est pas moi. Moi, je... Si. Non, non, moi, je suis trop. Moi, je j'aimais pas qu'on touche à mes dessins. Mec, je vais retrouver. C'est pas moi qui l'ai fait. Je vais te retrouver, d'accord ? C'est sûr. Non ! Et si ? Mais non ! Ah, c'est réel, tu vois ? Ouais, je suis sûr. D'accord. Bref, en tout cas, j'ai ce dessin, peu importe qui l'a envoyé. Bah écoute, j'ai hâte que tu me le montres. Je le mettrai en description. C'est vrai. Salopard. Oh, d'ailleurs, une anecdote, il faut que je te raconte en live un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Que je n'ai jamais su. Que tu n'as pas su. Et que j'ai oublié de te raconter, alors que je devais te le raconter, absolument. Oui. Okay. En fait, ma mère. I'm excited. Tu sais que. Donc, je rappelle le contexte, on était en cours ensemble avec Quentin. Là, c'est toujours tu parles. Pendant que je parle, c'est chiant. On était en cours ensemble avec Quentin. Yeah. Et en fait. Yeah, good boy. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Je suis l'animateur de ce podcast. Fucking go on, bro. En plus, je comprends rien à ce que tu racontes. Je rappelle que je parle pas anglais. Là. Fuck you, man. Merci. Oui, on était en cours ensemble et. Comme d'habitude, quand j'étais en cours, souvent, même en écoutant le cours et tout, je dessinais dans mes agendas et tout. J'avais fait un dessin de juste, j'avais juste fait un mec debout. Quentin avait dessiné des seins sur ce bonhomme et surtout une tub. Bah, en tout cas, il était en avance sur son temps, ah oui. Pour son âge. On peut le féliciter pour ça. On t'embrasse, Quentin. Et récemment, ma mère m'a demandé d'y voir. C'est quoi ce dessin ? Elle m'a dit, tu te souviendrais pas d'un dessin que t'as fait, machin, et un peu bizarre et tout. Alors, je fais quoi ? Comment ça ? Et là, elle me montre un dessin qu'elle sort d'un tiroir, et c'était ce dessin. C'était ce dessin-là. Et je me suis rappelé directement. Que l'enfant du démon qui avait créé une œuvre comme ça à partir de mon dessin, c'était Quentin. Et j'ai dit c'est un ami en classe qui me l'avait fait. Il y a tellement de trucs. Voilà. Oui. J'ai dit c'était pour rigoler et tout. Ah d'accord. Même voilà. Et voilà, c'était marrant. Donc pour toi, un transsexuel, c'est drôle quoi. C'est ça la morale, d'accord. Bah, c'est pas moi qui l'ai dessiné. De plus en plus de polémiques. C'est pas moi qui l'ai dessiné oui, pour... Oui, bah, t'as quand même dit comme excuse que c'était pour rigoler. Donc, clairement, pour toi, c'est drôle, ça. C'est bah, drôle. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je suis très ouvert à tout ce qui est... C'est vrai, ça ? Bah, posé de cette façon, comme ça, moi. Donc, t'es homophobe. Hein. Mais, oh là là ! Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, donc je dessinais beaucoup quand j'étais enfant. Yes. Et je dessinais notamment des Spider-Man, etc. Et il y a un truc que je faisais qui était que pour faire un beau dessin, disons que je ne savais pas comment faire un beau dessin, donc je ne démarrais pas en sachant comment faire le dessin, mais je prenais, souvent je dessinais au crayon, donc je gommais à chaque fois, j'avançais vraiment petit à petit. Oui. Je gommais à chaque fois un trait en me disant ah non, ok, là ça va pas, là, le pas bras bon. Est trop gros, machin, ou quelque chose comme ça. Et je gommais énormément mes dessins, et à la fin ça faisait un truc pas trop mal, même si la feuille était dégueulasse du coup. Complètement. Tu vois tous les traits et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est. En fait, je savais pas ce qui était bien à la base, mais juste je savais ce qui était pas bien. Ouais. Et donc, j'avançais comme ça en essayant et en trouvant les bonnes combinaisons, etc. Ce qui est le principe de la recherche empirique. Donc, on peut dire que tu as bien fait de finir en S. Oui, voilà, exactement. Avant l'heure déjà, extrêmement scientifique. Exactement. Et, c'est beau, quelque part. Voilà. Et du coup, je faisais ça. Et en fait, récemment, comme je suis... mon réel métier, bon, on peut le dire, n'est pas nettoyeur de haut-parleurs. Quoi ? Non, il faut mettre un fin. Quoi ? Les métiers qu'on dit au début des podcasts sont des faux métiers. Mais non ! Roberto n'est pas conducteur de fourmis. De fourmis. Toi, t'as mis éleveur de bus. De transport en commun. Éleveur de transport en commun. Voilà, et du coup, aujourd'hui, oui, je suis graphiste, web designer, tout ça. Et je me suis rendu compte que je travaille de la même manière, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui est beau à la base. Quand je vais commencer un nouveau travail, je ne sais pas comment faire un truc joli, mais je sais comment... Enfin, je sais qu'à chaque fois... Là, Quentin est en train de me montrer des dessins de moi quand j'étais enfant. J'ai retrouvé les femmes. On a vraiment une girafe qui a mangé un cube hein, en face d'un éléphant jaune qui pète. Il y a une bulle qui sort de son trou. Il y a écrit prout. Et là-haut, t'as. Un singe, c'est un singe. Non, c'est un extraterrestre, clair. C'est pas un singe. Mais il est pendu à l'arbre, il est marron, c'est un singe. Et donc après, on a Batman qui est en talon, comme dit, mais... une malformation du pied droit. Oui, mais t'as vu, j'ai quand même essayé de le faire en mouvement et tout. Attends, et là... Quoi ? Là, tu oses me dire que tu te plaignais des couleurs des figurines Batman ? Après avoir vu ce dessin, tu mais... oses... Redis-le ! J'avais pas toutes les couleurs dans mon arsenal de couleurs. Mon arsenal. Et voilà, aujourd'hui, comme je le disais... Arsenal, exactement, c'est de ça qu'on parlait. Pas du tout, c'est pas ça. Pardon, je te coupe. Et voilà, aujourd'hui, j'avance de la même façon, c'est-à-dire que je sais pas ce qui est beau. Je vais du coup commencer par faire une chose. Je vais me dire, ah ok, ça, ces deux couleurs vont pas ensemble, ou ces deux blocs, ça, c'est pas une bonne composition, etc. Et j'avance comme ça, je fais plein de tests, etc. Donc, je travaille quand même assez lentement, mais... Au final, le plus important, c'est que je sois fier du résultat, final. Bien sûr, être fier de son travail, c'est primordial. Et c'est le cas. Souvent, je me dis, ok, là, c'est bon, je peux pas améliorer par rapport à ce que j'ai fait et tout. Mmh. Et bah voilà, c'était juste pour dire que c'était un truc que je retrouvais en faisant du dessin quand j'étais petit. Ouais. Donc c'est plutôt cool, quoi. En fait, c'est marrant, mais j'aimais beaucoup le dessin, mais je me voyais pas devenir dessinateur, en fait. Genre, mes parents et tout, ils disaient « Ah, il pourrait faire dessinateur !» Mais moi, je me voyais pas du tout là-dedans, je me trouvais pas assez bon pour faire ça. Donc, un métier. Donc, en fait, ils voulaient que tu fasses un métier où personne ne gagne d'argent, en fait. Voilà, exactement. Très ambitieux. Merci. Merci pour mes parents. et en fait, au final, j'aime énormément ce que je fais. Et je pense que c'est en partie dû à cause de ça. Dû à cause de ça. Et en tout cas, j'aime beaucoup la langue française. Je la manie avec beaucoup de manip. Non, c'est faux. Mais je comprends ce truc. Cette façon de travailler, bon, on va pas trop épiloguer là-dessus parce que c'est pas le but de cet épisode, mais ouais, je veux dire, c'est une très bonne façon de. Au moins, t'avances et tu élimines assez vite dans le sens où t'as l'œil pour voir ce qui va pas. Mm. Tu vois. Et c'est pour ça aussi que je suis assez bon pour. Quand on m'envoie des trucs et tout pour me demander mon avis, je suis assez bon pour dire comment améliorer la chose. Donner des retours et tout. Ouais, voilà. Moi, j'aurais peut-être tendance à faire la même chose, mais plus... En fait, je vais quand même avoir tendance à être extrêmement radical dans mes corrections. Genre, si un truc ne va pas, je suis quasiment... Allez, une fois sur deux, je vais refaire totalement ce que je suis en train de faire. Ah oui. Et parfois, moi, je suis moins comme ça. Parfois, je passe des journées, parfois même... Enfin bref... des heures, des journées à faire un truc et je supprime tout. Ouais, ça c'est un truc que je ne comprends pas chez toi. Tu supprimes tout sur un coup de tête et le pire c'est que souvent après tu regrettes. C'est pas que je regrette, mais je me dis en fait j'ai ce truc de j'aurais peut-être pu en faire quelque chose, tu vois. Ouais. Mais en vrai, ça va mieux avec le temps. J'arrive à me débarrasser de ça et à faire table rase de tout ça. Mais bon, bref. Voilà, c'est chacun sa façon de travailler. C'est vrai que je perds du temps avec cette façon, mais... ça m'est arrivé aussi de tout recommencer à zéro et de repartir sur des bonnes bases parce que les bases n'étaient pas saines. Et c'est plutôt bon de... Parfois c'est nécessaire de tout recommencer. Et il faut avoir beaucoup de volonté pour se dire... Bah, de repartir de zéro, quoi. Mais c'est marrant parce que en vrai, ça tu peux le transposer, le transposer, exactement, l'appliquer à tout, même à tes relations, tu vois. Par des fois il y a, enfin on connaît tous, voilà, parfois ça a pas matché avec une personne et genre une semaine après ou après une conversation, ça peut aller beaucoup mieux, tu vois. Alors que vraiment une semaine avant tu disais mais impossible, ça peut pas marcher et tout, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Et c'est ouf de voir que, comme quoi, parfois, il suffit de volonté, d'effort, et de se retrousser les manches en disant bon, qu'est-ce qu'on fait cette fois, on fait les choses bien, tu vois. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, en parlant de faire les choses bien, on a bien parlé pendant une heure. Attends, mais c'est moi l'animateur. Ah, pardon, oui. Et d'ailleurs, alors, en parlant de faire les choses bien, on a bien parlé pendant 1h15. Tu es un rapace. Un moi, beau tour. Chaque mot que je peux voler, je le prends. Ça me fait des mots en moi à trouver. C'est comme pour mes copies d'anglais et tout. Non, cette blague ne va nulle part. Ouais. Ouais, ça fait donc déjà 1h15 qu'on fait ce podcast. Donc, je propose qu'on boucle cette conversation là qui ne va nulle part de toute façon. Si, mais en fait elle est tellement large. Oui, elle est si large. On va en parler des heures. C'est ça, on commençait à parler des années 2000 et à la fin on parlait de méthode de travail. Mais c'est nous, ça c'est globalement nous, à chaque fois on parle d'un truc et on parle de 1000 sujets. Mais bon, je pense que c'est intéressant parce qu'on a. Bah là, j'allais nous saucer de ouf. C'est vrai? Ouais, on a dit des trucs marrants. Après, on est parti sur du sérieux. On a des trucs marrants, intelligents, pertinents, pragmatiques. Ouais. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a que 50 écoutes sur ce podcast. Moins. On a moins. Ouais, voilà. Bah, on a, en tout cas, on s'est bien amusé en faisant ce podcast et c'est le principal finalement. C'est pour ça qu'on fait ça de toute façon. C'est pour ça qu'on fait ça, on s'amuse toujours. Il y a plein d'exemples. Mais à chaque fois, j'ai un peu peur avant le podcast, je me dis je sais pas si ça va marcher ou quoi, et en fait non, on parle en tant que deux potes. Il faut l'envoyer tout simplement, c'est comme quand tu fais ça c'est un truc par exemple que j'ai appris en faisant des vidéos sur YouTube. Genre il y a un moment, il faut envoyer le truc, tu vois. Ouais. Tu presses le bouton, terminé. Il y a pas de OK, encore un retour, c'est dans le taf, c'est vraiment la recherche du plus que plus que parfait. Le mieux est l'ennemi du bien. Exactement. Less is more. Hein? Less is more. Apple, Steve Jobs, tout ça. Oui, mais en anglais, ça veut dire quoi? Qui peut le moins, peut le plus. Exactement. Pas du tout. Exactement, pas du tout. Et voilà, et je sais plus comment. On a beaucoup parlé, mais tout ça pour dire que, effectivement, on a passé un très bon moment. J'ai passé un très bon moment, personnellement, en ta compagnie. Merci. Et j'espère que vous aimerez ce podcast. Et je déteste les gens qui parlent comme ça. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Oh, il a pris ma phrase de fin en plus, c'est incroyable. C'est oui. Portez-vous bien, c'est le plus important, c'est ça, c'est le cachet. Mais en plus, je me suis dit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça, c'est incroyable, parfait. Quelle rapace. Je vraiment, encore. Même inconsciemment, le plagiat. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Bisous. Bisous, à bientôt.